Dans un funeste aveuglement. tes peines, dans un funeste aveuglement. Toujours sur le plus tendrement, comme tes regards inhumains. Toujours sur le plus tendrement, comme tes regards inhumains. Thank you.